Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Kwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, va gagner. Oni Kwanza, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Kwanza. Bande kubatali, bane ya Kisasa, bane ya Congo Démocratique, bande ya Brazzaville, topesi bino penza, mbote, peto zalena esengo, pambate, bozalaka penza, ebele, bayebolinga, masolo ya politiki, na lokota ringala, otobengi, polele, polele, awa, ezalaka penza, li baku, li pesa melaka biso na bino, pona koyeba, makambo matali, ekolo na biso, République Démocratique du Congo, na boye bipai biso bozili baku ya kolanda biso mbote. Tozele penza na esengo, pamba te mikolo miti koleka, mokolo ya tukumisa to sanze ya motoba, ekolo na biso Congo Démocratique, ekundula ki mibu tukumitano na mibale uta yango ezwaka lipanda, na libakuli na polele polele, tobongisa ki masolo ya ntina, masolo ya kokundula histoire ya mboka na biso, ibanda kabuni, esale makandenge nini, pote mboka na biso Congo Démocratique ya kokabongo kozwa bonsomi tope lipanda na yango. Ezra na Matadi, awa na Kisasa, tope na Brazzaville, bozala ki penza ebele, ebele, ba yabosenge kite masolo maye, masuka kaka wanate, katito koba lisusu na masolo mango, pona kosunga bandeko baike, koyeba kotongolotina, ya makambo maye malekaka kati na mboka na biso Congo Démocratique. Bongo lokola tosala kamosala yango pona kosunga bino, tosala kamosala yango pona kopesa bino sango lelo lisusu libaku lipesa mele biso pona kokutana na ye oyo akopesa biso lisusu masolo mantina kokundelela biso makambo me maleka kati na mboka na biso Congo. Ye nani? Totangi wana mwana mboka Toma Loa Kalo Senjola, azali wana mokambi pe motambwisi ya lingomba ya politiki oto bengi Mouvement de Libération du Congo MLC na Bokuse. Honorable Toma Loa ka mbote na yo. Mbote ndeko Flori. Koyoka penza te bana ya Congo Démocratique bazwame na Kisasa na Brazzaville bipana bipai kosenga lesusu tokutana na yo opesa bango masolo ya etali bongo eko na biso esali oboni. Esalinga esengo mingi ya komona ke histoire ya mboka na biso bana mboka mingi bazana besoin ya koyeba yango elakisi ki bazana bolingo ya mboka na bango balingi bayeba kama même esika to uti na esika to kokende. Salaki ngai plaisir mingi pona komona ke masolo to beta ki mokolo ya le 30 juin esepelisa ki bandeko na biso pe basenga ki to continue yango. Ya solo na kanisi bolandi wana Honorable Toma Loa Kalo Senjola oyo lelo makambo ya ntina oyo bolingaka tokomeka bongo kolobela kasi mokolo wana tosukaki na mokolo ya tukumisato sanza ya motoba mobu ya koto moko kama liboa na tukumotoba nzuka nde tukozonga lesusu mwa sima esika wapi bandeko na biso ba kongole na banoko ba belge bakutanaka na likita monene oyo esalemaka na engumba Bruxelles table ronde nde koto maluaka akomeka mwa kotondelela biso makambo wana kobanda na table ronde teto komana tango tozwaki independance Congo Démocratique mboka na biso ekambema ki penza ndenge nini. Merci mingi ndeko Flori pour l'invitation le social lelo tomona ki table ronde sili na table ronde na bazui décision balobi il faut to tiane ti comité de suivi une commission etika la pembeni ya ministre belge babanda ko benge ministre des colonies ba travailler na ye pona ko préparer ko imprimer ba résolution nyonso otozui neti ko préparer indépendance ko senga ba élection et ko senga mibeko amboka échanger donc balobi to ti kandambu ya ba congolais pembeni ya ministre wana pona basungaye pona ko préparer makambo ya mboka donc commission na etikala kiwana na Bruxelles mais avant na kota na ba détails na ingaki na loba mwa makamoko ya mikuse na lombango ya liboso ba source ya makambo na za koyebisa bino ngai na sala histoire te nazali historien ya carrière te nazali kaka mutoyo lokola congolais nyoso nazali ko s'intéresser na histoire ya mboka na ngai wone ko kamisa ba to pamba tendingo limbola ki yango il faut zera penza muta ya yekula ki yango na mozindo no na tanga ki yango na classe me ko tanga ka ba buku mais buku munene o ya lingi koyeba histoire ya mboka na biso soki il faut na recommander buku moko ezali buku makamu mingi toza koloba awa na kozongo na kati ya buku wana ezali histoire générale du Congo et komami na Isidore Ndaiwel pona ngai historien munene ya Congo leloyo na kati ya mboka na biso ye wana akomi buku moko ya munene oyo makamu ebele nazali koloba ezali na kati donc tozali ko inventer te ya mibale a part livre wana ba livre mususu ezali ba mémoire ya batu par exemple dernièrement il y a quelques mois na uti kotanga papa Gizenga Antoine Gizenga uti kokoma ba mémoire na ye oyo pe na zuba element mingi ba explication ya période tozali koloba Antoine Gizenga komi kosolo la pe na ba acteur politique na solo la pe mingi na papa Bumboko aida ki ngai na comprendre makambi ya période wana Cléophas Kamitatu Christophe Gbenye naba ba livre neti livre mususu pona période eza ko intéresser biso responsable chef d'antenne ya CIA service ya renseignement ba américain awazalaka na ba années 60 wana Kinshasa kombo na ye Larry Devlin tokoya ko mona esima ye pe akomi ba mémoire na ye apesi pe témoignage ya makambo wana ndenge bande koleka donc voilà un peu ba source ya makambo naza koloba ezali synthèse ya ba information o naza kozwa a gauche à droite. Donc sikoyo motivation eloko ni eza kotinda biso to sala émission yo parce que ba mindele balobaka muto ayebi esika utite jamais akokoma esika azokende ngana kanisi ezali malamu bana mboka bayeba Congo to uti wapi tozali wa toko kende wapi sinon te tokobunga na nzela ou bien toko rompwe tozoko tourner kaka esika moko. Motivation ya mibale ezali ke koyeba histoire ya mboka e ko permettre biso to répéter ba erreur wana ya kalate. Et puis ya motivation ya suka pona ngai ezali ke pona ba congolais surtout ba jeune balinga mboka oyo Congo il faut bayeba yango jamais koyi ko linga muto oyebiete donc yango na pe na kanisi ba element ya boye na kanisi bande ko mususu pe ba kolanda topesa na jeunesse na biso information mingi ya passé na biso esika tozali surtout ba aspect politique nde nazak ngana nazali ko aborder nazali politicien donc pona ko permettre bana ba leki na biso jeunesse ya mboka e ba histoire ya mboka pe ba ye ba kolinga Congo oya biso bongo bande ko mosiba ko yo kumutu na banda kala wana to malo ko bande politique yango lelote kala kala wana zala kawa pona ni kaka na tango non na yebite parce que na kanisi soko ke ina Équateur. Na Équateur otuni Thomas Luaka peut-être mingi ba yebiete mais otuni tata moko bande ko benga na Équateur je connais le Congo donc ezalinga ba émission on a bande ko sala mona lingala tango wana tozalaki nanu na Natanga molele. Natanga rebellion. Mm-hmm. Na bande ko sala ba émission je connais le Congo na ba radio. Donc soko ke ina kotuna bana ya Bumba, bana ya Gemena, ya Guadolite, ya Basankusu, ba zone wana nyonso ba yebi histoire ya Congo na za ko raconter. Donc na sina sala déjà exercice oyo na tango ya rebellion mais ezalaka na radio yango yo to préféré to sala quelques émissions ce qui est intéressé partout et puis peut-être na radio na kozongela lesusu po oyebi na télévision ngonga et kenda kambangu mbangu yango na tozonga kasi na likambo ya kobanda na table ronde tuko koma na tango ya lipanda ekole kambama kaboni boni. OK donc ndenge na bane koloba batie commission de suivi anitikali na Bruxelles balobi il faut un représentant par parti politique et par province siko na commission na bazalaki pembeni ya ministre des colonies bazalaki batu motoba ba congolais motobo batikali ezali banani ezali Justin Marie Bomboko atikali wana pona aza ko représenter province Équateur bozali na Ignace Kanga pona province orientale Sébastien Kapongo pona Kasai Jean-Marie Kititwa pona Kivu, Jean-Baptiste Kibwe ako représenté Katanga et Sylvain Kama azako présenté province Léopoldville, mais si ma Sylvain Kama bako ya ko remplacer na Norbert Leta pona compte ya PSA ya papa Gizenga. Donc bazoki bato motoba pona tango wana mboka zaki na province motoba. Oui, ya solo na tango ya suka émission to sala ki na lobaki ke Congo et tango to zui indépendance to zalaki na province motoba kaka. Mais na tango ki ba province yango te. Ezali province ya Léopoldville oyo ezalai ko sangisa à l'époque ville ya Kinshasa, province ya Bakongo lelo na pro, na district ya Kwilu na Kwango. Ensemble, on a débandé comme ça la province, il y a Léopoldville. Province, il y a Mibale, Babengiango, province, Équateur. Et bandé comme ça, il y a Olelo, Tobengi, Équateur. Na une grande partie, il y a Nord Bandundu. Oyo, Maindombe, Ezalaka, na Équateur, Ezalaki, province Moko. Et puis, province, il y a Misato, Ezalaki, province orientale, Ndenge, Ezali, Lelo. Province, il y a Mine, Ezali, province, il y a Kivu. Tangwana Kivu ezalaki na Bomoko nango, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu na Manyema, ezalaka province Moko. Province ya Mitano ezalaki Katanga et puis province ya Motoba ezalaki province ya Kasai. Kasai ezalaka na Bomoko nango. Donc voilà ba six provinces oyo tozalaki nango na tango indépendance. Prévu lelo etikala okomona drapeau ya Palu. Basa oyo ezalaka drapeau ya Congo kala okomona eza drapeau ya bleu na ba étoile Motoba na pembeni. Donc ba étoile wana zo représenter province. Chaque étoile ezako représenter province Moko. Donc tozwaki indépendance na province Motoba nde ba étoile Motoba ezalaki pe na niveau ya drapeau ya mboka na biso. Donc wana nde structure na tikala ki na Bruxelles. Siko awa na Kinshasa ba mindele balobi il faut quand même to initier pe ba congolais na kokonza mboka na bango. Ba yeko sala neti gouvernement de transition. Awa na ville ya Kinshasa et puis na ba province. Na ville ya Kinshasa ozaki neti mokonzi ya gouvernement neti premier ministre banda ko benga gouverneur général. Gouverneur général wana azalaki mondele ba zupe ba congolais motoba batie pembeni na ye po ba travailler na kati neti ba ministre ba congolais wana bazalaki ba kino ou bien ba otaki na ba province di non wana pe même principe chaque parti donc 6 personnes mais 6 partis différents na ba uti pe ba représenter mutu na mutu fa représenter province moko. Wana tozalaki na nani na gouvernement général wana we salami le 14 mars 1960 tozali pembeni na gouverneur général tozali na Joseph Kasavubu ako représenter province Léopoldville, tozali na Patrice Lumumba azali ko représenter province orientale. Lumumba auti origine na ezali na kati ya Kasai azamu to Kasai azamu tetela mais a évolué carrière politique ne mingi et puis bandé la politique na ezali na province orientale. Donc azali ki pe élu na 60 député ya na Kisangani. Donc azali ki bandé ko tie na kota ya Kisangani. Donc Lumumba azali ko représenter province orientale. Anise Kashamura azali ko représenter province ya Kivu. Paul Bolia Équateur. Rémi Mwamba Katanga et puis Pierre Nyangwile ya azali ko représenter Kasai. Donc wana nde ba congolais oyo bazan zinga zinga ya gouverneur général comme gouvernement provisoire ya mboka. Et puis tokeli susu na ba province po batu baye baba mona pe bacteur mususu ndenge nini bazali ko bima male malembe bacteur ba ko sala ba kombo sima. Chaque province balobi gouverneur ya province il faut pe azala au lieu à 6 azala na 3 congolais na kati ya gouvernement provisoire na yewana pona a initier bango ko konza ba affaire ya province. Donc toke na tango wana pe ba bituka to pe ba province e bandaya ko kamba makaka na ba belge. Oui ba belge mtoza ki ti administrateur du territoire azala ka belge. Donc vraiment ba belge bazalaki partout ce ko balobi lokola te to pe sa indépendance to banda ko initier bango na province ya Léopoldville. Tu es comme on a ba oyo ba ye pembeni ya gouverneur ezali Daniel Kanza tozali na Lombo et na Kimvai wana nde ba ministre provincial awa na Kinshasa. Toke na Katanga tozana Godefroy Munongo Muhona na Kitenge et puis toke na province orientale. Province orientale tozana Embal Bumba na Jean-Pierre Fina. Jean-Pierre Fina yena ni na sala moi parenthèse pour et permettre pe bana mboka ba ye ba histoire ya mboka na biso. Jean-Pierre Fina yena ni Fina azali cadre munene ya MNC Lumumba. Donc azali ministre provincial si mayende akwa kokoma premier to komona yango premier gouverneur ya province orientale à l'époque banda ko benga président provincial en réalité azala ki gouverneur. Atikala na histoire parce que Jean-Pierre Fina tango mobulu yake ko mobulu bimaki sima soda moko azaki agent ya sûreté belge ya sûreté belge comme ya sûreté ba congolais tango na comme mutu mobutu asalaki na mobutu mingi babengiye Gilbert Pongo. Gilbert Pongo azakini o abane ko sana o lero babenga ka ANR. Gilbert Pongo akangaka Jean-Pierre Fina awa na Kinshasa. Jean-Pierre Fina après bakoya ko tinda ye na Kasai tokotala yango sima bakoboma ye kuna. Mais pona nini na lobby histoire wana parce que mokileza ndenge Jean-Pierre Fina abota ki mwana moko ya mwasi mwana na ya mwasi a kombo na ye Betty Fina. Betty Fina ko ya ko kota na kati ya histoire ya mboka oyo parce que ayaki ko sala musique musique na bane 70 80 azwa ki succès makasi na kombo siko ya musique ba ibie na kombo ya Betty Masikini. Donc Jean-Pierre Fina ndé tata ya Betty Masikini. Mais esilité parce que Gilbert Pongo on appelle l'issue sous tango kangi Fina après yé mutazaki chargé à opération spéciale akoya okanga pe Lumumba to komona ngoso kitozala ngonga tango Lumumba kimi Kinshasa po akene na Kasai Pongo muto akangaki azongi na yona Pongo ye nani Pongo ye pe akoya kukufa ba Lumumbiste ba koboma ye na Kisangani mais Pongo pe atiki mwana ya mwasi mwana na ye ya mwasi kombo na ye Pongo Lando akoya kosala muziki akoya ko changer kombo ya ko koma Pongo Love. Donc papa na Pongo Love Gilbert Pongo ye mutakangaka papa na Abeti Masikini tangu mboke zalaki na kati ya mobulu. Donc voilà moi parenthèse mais peut-être pour na toye baba nani azanani comme ça na kokanga parenthèse au libela Jean-Pierre Fina tangu ayina Kinshasa na 62 bakangi bango na 62 na mois ya février batu ya Kinshasa bazui groupe ya balumumbiste wana Lumumba kofi na janvier 61 na janvier 62 groupe non janvier février 61 groupe ya balumumbiste oyezalaki wana Kinshasa bazalaki abokangami batindi bango na Kasai kuna na bakonga mobule ezalaki kuna bake koboma bango bazalaki nani ezalaki Jean-Pierre Fina ona otikobeta le solo tata na Betty Masikini tozalaki na kati na bango na Christophe Muzungu tata oyo Christophe Muzungu elengeo ba Congolais ba ibe azalaki gouverneur de la ville tata na yena ni Christophe Muzungu tangu tozwi independence Lumumba akogarde alobi lokola tokozongela makambo ngo sima na sûreté belge muto azalaki directeur neti ya ANR ANR ya biso lelo ezalaka belge moko colonel Van der Wel. Et puis tant mobule ko yakobima Lumumba kolongola colonel Van der Wel akoya kotia Christophe Muzungu nde premier responsable ya ANR ya Congo na tango wana. Et puis tant mobule bimi bakangiye bakotinda epe na Kasai ake kokufa kuna. Et puis tozalaki lisusu na Emmanuel Nzuzi na kati ya groupe wana donc batwana Emmanuel Nzuzi epe ake kuna. Emmanuel Nzuzi azalaki nani? Emmanuel Nzuzi azalaki président ya jeunesse ya MNC Lumumba, jeunesse lumumbiste o lelo tokoye ko benga ba Ligue des Jeunes azaki président Ligue des Jeunes yepe ake kuna na Kasai babomaki ekuna. Mais Emmanuel Nzuzi ye nani akoti na histoire ndenge nini tangu ya kufi atiki petite sœur na ye pe akoye okota makambo ya politique. Et puis Mobutu comme azalaki ba cadre ya MNC azalaki muninga Emmanuel Nzuzi avant makambo ya politique kabola bango ayebaka pe petite sœur ya camarade na ye. Et puis petite sœur akoya kota na politique ti Mobutu akoya encadre makasi tango Mobutu akoya koma président de la République leki ya Emmanuel Nzuzi babengi Catherine Nzuzi Wambombo. Donc nde mama Nzuzi Wambombo grand frère na ye azalaka président jeunesse lumumbiste babomaka ye na Kasai. Wana tukangi parenthèse wana tozonga sikoyo na gouvernement provincial ya Kivu. Wana tozalaki na nani? Tozalaki na Kabare, mwana ya mwami Kabare. Tozalaki na Chomba Fariala. Et puis na Shango, Équateur. Banani bazalaki ba ministre provincial pembeni ya gouverneur ya province. Tozalaki na Iketebi, na Leo Ngulu, na Ikolo. Wana ba ministre provincial. Et puis na Kasai, tozalaki na Manono, Luhata, Luakate, Luhata, na Mubanga. Voilà un peu organisation ya... il y a pouvoir et salama qui wana. Mais peut-être nako bakse loko moko avant tous les kasiko totala makambo ba élection après indépendance nako bakse loko moko ya kolobake table ronde politique et salama ke leka ki malamu. Mais na table ronde politique ba décider ki ke toko sala pe table ronde économique après pona kotala makambo ya finance ndenge nini toko kabola ba patrimoine ya Congo na ya Belgique. Il faut tobeta li solo wana na table ronde économique tangu esengo wana yako basisi table ronde politique indépendance to suite aux date ce ibani et ko zapa malamu o meka moko sunga bande kuna kati ya table ronde politique na mokusi ba yokana ki penza nini table ronde politique ba yokana ki ke to Congo ko zo indépendance le 30 juin 1960 table ronde politique ba yokana Congo ekotika na relation to ko sala espèce moko confédération na Belgique hein traité d'amitié ko zana bango to ekoyokana makambu ya nationalité et sala ki pe mo mobulu parce que ba belge ba sengi ki ba congolais nyonso o baza na Belgique bazwa nationalité belge et puis ba belge nyonso ba kolinga kotika na Congo bazwa nationalité congolaise mais sur 11 délégations bazaki ki 11 7 délégations ba boya ki likambwana babito boyi ba mindele batikala ba congolais il faut bazonga eloko ane ko yakopesa pasi parce que idée ya ba belge zala ki to sala lokola na Afrique du Sud na Botswana ou bien na Kenya esika ba mindele batikala pe baziza pe ba nationalité donc une nation multiraciale donc sukoyo na table ronde économique wana ba politiciens minene nyonso bazu azongi mais quelques-uns au batikala ki kuna Tomoni Kamitatu, pour na compte à PSA, Kamitatu a tika na table ronde économique. Tozana Chombe, Moïse Chombe a tika laki, pour alanda makambo mbongo, parce que azalaki na ba société mingi, ya ba belge zaki na Katanga. Et puis tozana Sendwe, Sendwe, lelo yukaka boulevard Sendwe, azalaki wana, na compte pe a parti na ye cartel Katange. Et puis tozalaki na Nguvulu. Sikoyo, eloko na kweko bakisa ke, MNC Lumumba. Lumumba zui azongi na ki na Congo awa akosala ba meeting na ye mais siko alobi mais il faut to tinda ba délégué na table ronde Lumumba alobi non ce n'est pas la peine hein. Bozwa ba étudiant na biso mi balé baza sur place na Bruxelles ba représenter biso na kati ya table ronde économique wana ba étudiant ngona ni moko ba bengi Mario Cardozo O le loazala papa Losembe, azali deuxième vice-président ya Sénat atikali pona ko représenter MNC Lumumba et puis Et Yami Balé, comme on a Joseph Désiré Mobutu, il est passé à Bruxelles comme stagiaire. Lumumba ABC qui est représenté, MNC Lumumba à la table ronde. Témoignage, moi, Mobutu à Salaka, à l'objet de la table ronde économique, on a tout compris que le locomote. Il y a un professeur, il y a université, il y a économie, il y a un chiffre. Na ba terme ba oui, lesquels qui et lesquels biso bi ba belge ba embrouiller biso moite donc vraiment table ronde wana ezala ka presque escroquerie sikoyo wana na bisa kyo ezala ki gouvernement ba gouvernement provisoire ba élection et ko salam wana ba élection et ko salam na mbula nini non wana ka tozana 1960 avant to koma na indépendance bo sali gouvernement provisoire mais gouvernement provisoire mute yo konza mboka te après Balobi est une démocratie, il faut organiser ba élection. Nde ba ke ko organiser ba élection. Si ko yo ba élection na provinciale na niveau national. E ko pesa ndenge nini? E ko pesa si ko yo ke na ba province, si province wana ba gouverneur si ko ba province ba bimi. Ba kombo na uta ko tanga ba zaki ba ministre provincial. Si ko ba gouverneur de province ba bimi après ba élection, c'est-à-dire ba parti o elongi. Tozana na ni si province donc si gouverneur. Na province ya Léopoldville muto abimi gouverneur ya province ezali Cléophas Kamitatu pour na compte ya PSA ou Antoine Gizenga tozali na équateur et kitebi muto abimi gouverneur ya province pour na compte ya parti na ibabengi Puna et puis tozana na province orientale on a oté koloba Jean-Pierre Fina tata na Betty Masikini muto abimi gouverneur pour na compte ya MNC Lumumba et puis na Kivu tozana na Jean Miruo abimi pour na compte ya parti Sereya Et puis, na Kasai, tozana Monsieur Manono, Dominique Manono, et puis na Katanga, Moïse Chombe, abimi, gouverneur ya province. Donc, voilà un peu, on a na niveau ya ba province. Si ko na gouvernement central. Gouvernement central, si ko yo, ba député, ba bimi, MNC, eza na moi, majorité, na majorité relative, mais cartel na bango, ba zuba tebele. Lumumba lobinga inde fona zala formateur ya gouvernement. Pona nini Lumumba a attaqué Ndengona parce que ayoki batu mususu neti ba adversaire politique na ye balingi basala coalition na bango basala gouvernement contre ye banani ba adversaire wana tozali na balingi basala cartel d'union nationale tozali na papa Bolikango Jean Bolikango pona Asoreko tozali na Delvaux Jean Delvaux oyo après authenticité akoya koma mafuta kizola et puis tozali na papa Ileo pona MNC Kalonji Tozaki na ngonga ko lobate mukolo wana MNC oyo Lumumba zaki président avant table ronde avant table ronde ba swana ki bango na bango kuna e kabwana e koma ki MNC Lumumba na MNC Kalonji. Donc il est haut pour na compte MNC Kalonji azako senga pe bango basala gouvernement Lumumba lobite ngai muta reformer pour na zana ba député belé et puis discussion ko ya ko sala ma ba nommé ba belge ba nommé Lumumba informateur ba heba longolié ba nommé Kasavubu formateur ba heba longolié donc ba discussion e wumeliti le 21 juin 1960 Lumumba ba ekonomé e formateur à gouvernement ba ele soko nommé a comme soko formateur à gouvernement pour na sala gouvernement et puis le 21 juin le même jour wana président et assemblée nationale donc président et assemblée nationale à l'époque ba obenga ba chambre et MNC Lumumba ziango na à travers papa Joseph Kasongo donc Kasongo comme président il y a parlement le 24 juin vote à confiance gouvernement Lumumba et que ici qu'on a parlement pour nous consigner investiture ba investir en vote de confiance et salami na parlement na pour le premier gouvernement du Congo indépendant et puis les sousous le même soir il y a le 24 juin wana ba iko sala élection il y a premier chef d'état il y a mboka na biso Joseph Kasavubu abimi président de la République le 24 juin 1960 bon pour na cadre kaka koyeba histoire gouvernement Lumumba zalaki na koloba gouvernement d'union nationale bato MNC bazalaki bato konako bazalaki bato abako bazalaki to bato ya ba parti mingi asangisaki alobi ezambo kana biso nyonso to sala musala makambo ya opposition tango wana bayebaki ya ngote donc balobi bino nyonso boya to sala musala ezambo kana biso donc tango wana majorité opposition ezalaki non ezalaki te Lumumba tiaki vraiment ba tendance nyonso même si ya ide mécontentement mais ba grand formation politique nyonso ezalaki na koyeko pesa quelques exemples ya ba membre ya gouvernement ya Lumumba donc Kasavubu président de la République gouvernement premier ministre et ministre de la défense Patrice Emery Lumumba yemoko pour na compte ya parti na ye donc MNC vice-premier ministre Bozana Antoine Gizenga pour na compte ya PSA affaires étrangères Jean Justin Marie Bomboko pour na compte ya parti na Inimo Inon Inyo Mongo et puis tozana ministre résident en Belgique Wana Batier monsieur Delvaux Delvaux pour na compte ya parti Luka et puis ministre délégué na Nations Unies oyaza ko représenter Congo na makambo ya Nations Unies Batier Thomas Kanza et ministre de l'intérieur Christophe Gbenye pour na compte ya MNC Lumumba affaires économiques Batier Joseph Yave pour na compte ya Konakati ya Chombe et puis ministre ya affaires foncières il y a affaire foncière ba ekotia Alexandre Mahamba Alexandre Mahamba yenani wana o permettre ngape na fungola parenthèse moko Alexandre Mahamba zali ministre des affaires étrangères et affaires foncières directeur de cabinet na ye na 1960 directeur de cabinet na ye babengiye Prosper Luaka Lufungula Prosper Luaka Lufungula nde azali papa na ngai oya botinga azali ka directeur de cabinet ya Alexandre Mahamba na 1960 et puis Luaka Lufungula kombo ya ngomweza koloba azali mwana ya sergent Lufungula oba pesa kombo ya kan Lufungula awa na lingwala na wileri sergent Lufungula ezali kongolais liboso wazoka grade wana ya sergent na force publique donc mwana na ye Prosper Luaka nde azali directeur de cabinet Alexandre Mahamba et puis nde abotangai donc koko na yo azali ki motelboza azali lo grade ya sergent na force publique vraiment donc nakangi parenthèse on a toke kozongela peut-être ba makambu ya ba Mahamba après parce que comme ça na sisa kali kamba mwa Mahamba na Malombango na Lombango Mahamba na 1966 bako yako kanga Mahamba Alexandre Mahamba Anani Kimba na Bamba Emmanuel Bamba bango 4 pona nini bakangi bango 4 balobi tentative ya coup d'état mubuta sali coup d'état na ina 65 na 66 alobi groupe aba politiciens moko balinge balongola e akangi bango mine donc Mahamba Anani Kimba na Bamba bazui babomi bango na esika oyo lelo batonga stade de martyrs au sokoyo kaka les martyrs de la Pentecôte stade des martyrs ezali bato mine wana na uti kotanga babomaka bango esika batongi stade yango stade pe ezwa kombo ya stade des martyrs de la Pentecôte donc ba martyrs yango bango mine wana donc Mahamba azalaki premier azaki ministre affaires foncières na gouvernement ya Lumumba et puis éducation nationale ministre éducation nationale tozana Pierre Molele pour na compte ya PSA azalaki ba cadre ya Gizenga et puis na information tozali na Kashamura Et puis les sous côté na quoi on a bah ministre natangi nyo sauté bah c'est là qui 22 natangi ka 10 pour na quoi illustrer kaka mais bah secrétaire d'état n'était pas vice ministre puis bah c'est là qui bah bilingo bah bandi politique c'est ça il faut pe kotia bango bah mon anaka on a bah kotia ministre secrétaire d'état à la présidence de la République bah c'est Joseph Mobutu pour na kotia MNC Lumumba on attend à tiki déjà mais qu'il y a pas ça zongi on a tout comme il a 60 sikoyo à zongi Azongi tant gouvernement Lumumba ayibise yaka awa ozokota na gouvernement donc azongi awa Mobutu akoti na gouvernement comme secrétaire d'état donc neti vice ministre et puis na vice secrétaire d'état na affaires étrangères tozana André Mandi donc voilà un peu configuration au gouvernement peut-être et loko moko na koko bakisa ba ministre d'état bazala ki pe bazala ki mine mais na kotanga ka mibale ministre d'état sans portefeuille. Et ça, la personnalité politique au moment où Mutoyo azana bwanya koyepe ko sali sabiso batie na gouvernement na rawana ya munene ba bingie ministre d'état ba oyo na kangai ba Kongo ezali Charles Kisolokele akonti la compte ya bako Charles Kisolokele azali mwana moko ya l'un des fils ya prophète Simon Kimbangu et puis tozali na Paul Bolia yepe akoti comme ministre d'état na kati ya gouvernement voilà un peu configuration. Il y a gouvernement autosunango indépendance le 30 juin 1960 il y a Thomas Louaka honorable Toton de Boton de la Kanisi ba ndeko batali ba bazale ko landa biso bazale penza na esengo pambate l'histoire ya Congo démocratique yango wana toko zango penza ya ofele oto futi mosolote to pesi loko mokote ya ofele penza ya pesa mere biso ezala biso ezala bandeko ba bazuri baku ya ko landa biso banso bazale penza na esengo wana tozena mobu ya 1960 sikoyo kolongwa 1960 te tokomana 1962 toyoka kayango mboka ezala ki malamu te mobulu epai na epai kasi na lebako oyo tokutane na yo na eleko ena mboka ekamba makandenge nini soki mobulu ezalaka ebandaka penza kouta epai wapi merci mingi ndeko flori. Donc, indépendance, tozu le 30 juin, fête monene salami en Akata Kinshasa, pe na ba province, na intérieur. Mais quelques jours après, situation est ko beba. Pona nini beba ki? E ko beba, pona nini, nakolo ba événement mine. Événement mine, e ko bebi sa makambo. E ko bebi sa fête. Événement aliboso. Tomona ki indépendance, tozu ki ango le 30 juin. Le 30 juin 1960, ezalaka jeudi. Donc, jeudi, to e ko koma. Donc jeudi et puis mercredi et colanda. Donc comment qui mercredi le 5 juillet. Le 5 juillet qu'est-ce qui va se passer? Ba soda ya Congo ba tomboki mitinerie à force publique. Événement les bossoy désordre yangona. Événement ami balé olanda ka date malamo 5 juillet ba soda force publique ba tomboki. Le 11 juillet donc 11 jours après indépendance Katanga est proclamé sécession indépendance nango Tchomba lobi biso to longwe na biso na makambo na Congo toko sala république na biso le 8 août donc moni ezayi pena ba mikolo ya ko kesa na pena mingite le 8 août c'est-à-dire un mois et 8 jours après indépendance Sud Kasai et proclamer paix, indépendance nango, sécession nango, à travers Kalonji, Albert Kalonji, tokotala nango. Et puis, événement à Mine OEP, Bakisali sous désordre, wana, ezali le 5 septembre 1960, na 20h, na radio, président de la République Joseph Kasavubu a révoqué Premier ministre. Donc voilà l'événement Mine OEP, qui a désordre, na katia mboka na biso, donc mitinerie. Ba kotomboka ya ba soda, sécession ya Katanga, sécession ya Kasai na révocation ya ya Lumumba par Kasavubu. Soki na kuiko zongela na Lumbangu événement na moko moko. Mitineri na nu ba soda ba tomboki pona nini? Pona tango na pila bagamwa mboka zaraki malamu siku. Ezaraki nini? Ba soda ki bango bakende ko. Ba soda ba tomboki pona nini? Ba soda ba tomboki parce que ndenge na uta ekolobawa tozu indépendance mais ba officier sous officier donc ba adjudant au bazaki na armée na biso na force publique bazala ki 7 bango nyonso ba adjudant. Donc au tout batikali bazalaki ba mindele, ba lieutenant, ba capitaine, ba major, armée mobimba ezalaki ba officier nyonso bazali ba mindele. Donc siko lomumba le bibo tozu indépendance, siko biso tozala ba mikondi ya minene te na kati armée. Toko sala ndenge nini? Lomumba lo bino problème ezalite. Tosenga ba mindele batikala, ba généraux batikala. Biso siko to banda ko former malembe malembe pona ba congolais ba banda ko remplacer ba mindele. Nde comme ça au monique tozu indépendance mais armée commandant en chef armée atikali yeah. Belge ba bengi général Janssens. Janssens atikali commandant ya armée. Siko tangu le 30 juin manifestation ici quelques jours après Janssens na réunion oyo causerie morale na ba soda. Alobi boy pour la force publique après l'indépendance est égal à l'avant indépendance. Voilà, c'est la cas qu'on a Kinshasa. Ah, on a Kinshasa. Donc commandant chef y armé. Oh. Bah soda bah comprendre dans balobi. Ah, donc biso bo umbo eko silate promotion ko zalate. Tala ba ninga na biso tozaki na bango na armé ou bazak ba koma ba civil, lelo ba koma ba ministre, ba komi ko le kana ba mituka, biso tokotika la ka ba ambolo. Donc biso makambo tokondi mangote. Donc, il y a des gens qui ont été voilà. Soudan. Mais si vous avez un sens, Mobutu a invité qui est à Kinshasa au 20e anniversaire de l'indépendance, en 1980. A Yaki Awa, a expliqué mais pourquoi nous avons dit que nous avons dit avant l'indépendance est égal après l'indépendance, et c'est pour un cadre de discipline. Donc, discipline armée qui a changé. Discipline est la kaka ndengwana bango ba comprendre nga mabe ba lobi ke non promotion ko za la te et to banda ka ko konza bango donc incompréhension ndé tinda ki ba tomboka donc ba tomboki ba soda ba tomboki ba bandi wapi na Tisville. Tisville et oui, comme les lomba nzangungu ba zui ba kiti ba bandi ko sala mobulu et puis na kan ardi na manzangungu le 5 juillet ndé mobulu banda ki kuna et puis maladie wana eko affecté ba garnison à Kinshasa wa ba soda pe na Kinshasa ba tomboki mobulu bandi réaction à Lumumba. Ah, Lumumba bi me botomboki linini o te biso promotion zate ah bon besoin promotion Lumumba abandi ko nomé bato ko pesa ba promotion à gauche d'ailleurs Mobutu sala témoignage moko boye et le kana ba documentaire Mobutu lobi likamunga na sona kana Lumumba ezayi pona makambo ya désordre. Premier ministre a zoke nena baka ko nomé ba officier ngai na yebe le côté donc voilà désordre na kombo. C'est vrai que Lumumba siko a komi kuna ba komi ko organiser ba élection na kati armée. Donc c'est vrai qu'il y a une stratégie pour na ye ya ko kitisa mitema ya voilà ye alingande ko calmer jeu mais siko yo aza ko kende ba ko organiser tirage au sort pour comme commandant ba misusu kutu ezali ndenge nini pour comme commandant au telemi ba bisyo yo mekana no major Vanderbouk abano commandé ndenge nini ozu baton de commandement tiawa obandi ko tambula ndenge mundela na Belgique ndenge ko tambula ko ganga pe balabi ah yo ozo imiter pe na malamu te yote yo yaka yo oya ko sala ngo penda bien ko imiter commandant bien yende akomi pe commandant unité donc voilà ndenge des ordres ya kobima et puis après tangu des ordres na bimi ba Belge bazalaki na ba militaire na bango bazalaki nona na Congo. Batala ba Belge bandi ko intervenir. O pona ko protéger ba population européenne. Ba para commando Belge ba komi ko intervenir alors que ko intervenir on a traité moko d'amitié Congo signaki na Belgique, article 6 c'est lobby boy. Ba militaire troupes métropolitaines o ezali na Congo. Et qui peut intervenir na Congo qu'avec accord et gouvernement, c'est-à-dire ministre de la Défense. Des fois, il y a un accord explicite avant que les militaires ne peuvent intervenir. Mais ba Monica Kaboye, ministre de la Défense, Arthur Gilson, il y a Belgique, ministre de la Défense de la Belgique, on a appelé l'ordre de Mbalamoko, dans le Soudan, dans le Kamina, il y intervenir. Et puis, Mbalamoko, Mobule Bandi, détachement qui est dans Luluabourg, le 11 juillet, Matadi, na et va attaquer Matadi alors que les européens bazalaki soutenent Matadi et à partir du 13 juillet ba attaque ngwe se généraliser ba militaire à Belgique ba komi ko attaquer na Congo mobimba par exemple le 13 Kinshasa na ba Congo est allé occuper na ba militaire belge le 14 Katanga totalement occupé Katanga na Kikwiti le 14 juillet le 15 Boma et Kwei le 16 Mbandaka le 17 Libengena Gemena ba occupé on a ba belge et puis le 18 Bunyape ba militaire belge ba occupé wana kaka pour la raison ya ko sécuriser bande ba ko sécuriser mais ba to albina na matadi ba militaire ba za ki soute pourquoi ko sécuriser nani ba to ba comprendre que non en réalité ba belge ba lobi ba congolais oyo to ko pesa bango leçon suka avant to kende donc to ko frapper bango penza avant to to la kana mala mala donc ba zui ba tiemo bulu. Alors que Kasavubu na Lumumba bako sala ba mission ya pacification kokene na ba camp ko solola na ba na ba na ba na ba militaire pour na komeka ko calmer bango d'ailleurs koutou le 8 le 8 le 8 septembre le 8 septembre Kasavubu Lumumba su décision ko longola ya sens abi yemo to bisa ma mobulu na mama ko makamuno ba ne kolobana donc ya sens longwa na armée babisiko yo ya sens a longwe na ba officier belge nyo so ba longwe toko sala nini armée to tikelika ya ba likili toko sala nini discussion mokonja moto mwindo azate eh mokonja moto mwindo azate toko sala nini mutu moko abimisi ideal bino toko iko luka general moko ya mundele hein o toko iko benga e aya ko konja la biso armée ah ba nationaliste ba lobi non pas question ko benga ba mundele biso moko toko se débrouiller yangona Lumumba Aiko bengi sa papa moko bazala ka infirmier kala na kati armée alongo armée akoma bourgmestre na Jadoville na Likasi babengi Lundula donc azabimaka armée na grade adjudant bake ko benga Lundula Lundula banomé général akomi commandant en chef yemu ta ko remplacer Yacente mais Lundula le temps bi malika sikuna ba bloka ke na Lubumbashi donc akoma ki na retard na Kinshasa Sikoyo, il faut chef d'état-major général. Parce que tout ça, dans le système, il y a commandant en chef, président de la République, il y a commandant suprême, général Moko Bazali, commandant en chef de l'armée, et puis il y a chef d'état-major général. Des structures, tout ça, qui sont des territoires qui sont colonisation. Sikoyo, chef d'état-major, tu es à Nani. Discussion, discussion. Oh. Le monde va le dire, mais non. Il y a un appétit, il y a un appétit, il y a un appétit, il y a un appétit, il y a un appétit, il y a un appétit, il y a un appétit, il y a un appétit, Abia salaka musane ya soda abima mais atikala na ba notion na mutu tokoi ko tia za pekala kala akoipe ko edebiso batuni nani o mobutu e comment mobutu o secrétaire d'état na yoyo o pese armée abi bon to sala nini nani azana solution ok bon to no memo wana mobutu azali na grade d'état abima mobutu abimi na armée na grade de sergent donc baye balbi bazong se mobutu bimi na armée grade de sergent Ceux qui se sont nommés chef d'état-major général, na grade de sergent, na ngwa ko bangayo. Bah OK, faut vous passer grade d'amonène. Bah passer mon bout de grade de colonel. Bah au comi colonel kende sikoyo au konzarme. Mon bout de courageux qu'il était, abani ko kitana baka, ko sensibiliser et tout. D'ailleurs parenthèse moko. Une fois mon bout nouveau chef d'état-major général à la titeni na yazo kende ko sonala ba soda. Akenda ko tentela banzangungu ko calmer ba to bande ko yakona. Il parlait bien à se convaincre. Mais il m'a dit que je suis venu à Kankokolo pour que je sois là. Oh, tu sais qui Bah, camarade, il y a un cas là où il y a un soda. Bah, il y a un mot depuis quand il y a un commis colonel. Ah, bien, il y a un mot comme ça. Il y a tout ça qui est un sergent. Il y a un colonel. Ote ba nomenga yi premier ministre. De ba ye ba ke tek mobego se ko yake ke yom ta komi na na sika oni bien ka ba, jalousie. Ba simbi chef d'état major na kobeta. Ba bandi kobeta mobego. Na teni. Babeti mobutu na kankokolo sangwekei bake ko bisa gouverneur ya province ke papa gouverneur yo vandia wa chef d'état major na bino bonomaki bazoli ngaba bomena kankokolo gouverneur ngona ni Cléophas Kamitatu ndi Kamitatu zwa mutu kana ekimambangu na kankokolo akiyokuta mobutu na sewana abandi kolobela basoda non to sala nini bamindele bake il faut to s'organiser ba mikonja mboka baponi il faut pour respecter ndi Kamitatu a sauva mobutu na kankokolo tokomona peut-être na épisode monsieur Sekolanda ndenge nini eloko wana actuana ekoya ko sauver Kamitatu na liwa après donc voilà comment Mobutu abandi ko linga kozongisa kimia na kati ya mboka et puis le 10 juillet ba troupe belge on a baki bandi ko kipe ba banini le 10 juillet ba longwe na base ya Kamina ba sa ke belewana ba longwe na base ya Kamina ba na Elizabethville na Lubumbashi balobi to eko sécuriser ba mindelo bazalia ba européen bazalia sikoyo Lumumba na Kasavubu bazana kati ya tournée na bangwana wana ba komi wapi le 10 juillet bazana Luluabourg na Kananga ba soloi na ba soda na ba calmer ba tout ba expliquer ba tout sikoyo programme ngo ezali ke le 11 juillet na tongo ba juillet avion ba ke ko sola pe na ba soda ya Lubumbashi na tongo na kaka le 11 juillet boye ba yo ka message kwei déclaration Tchombe nakatanga ba lobby ba komi indépendant ba sali sécession. Oh. Mais sali sécession lisu ndenge nini? Oh non, ba longwe na bango makamba Congo. Raison pour dire zalaki nini? Raison zali nini? Ba lobby ke Lumumba na Kasabubu ba kokonza mboka ndenge longo banite. En réalité, raison ya solo pour na sécession katanga ba mindele tango ba pesi indépendance. Mingi bazalaki na intention ya kotikala pour na ba exploiter ba richesse surtout ya Katanga. Balobi il faut tokata Katanga eteni wana biso totikala to sala mboka o ba mindele na batu mwindo ba kotikala comme ça totika Kongo na msuta kata ya désordre. En réalité, c'est la Belgique qui était derrière sécession wana. Donc Tshombe a sali déclaration le 11. Sikoyo Kasabubu na Lumumba na bakutani wana na Lulwabu babito sala ndenge nini. Kasabubu abise Lumumba tozo avion tozaki na programme okende Lubumbashi Elizabethville tokende totala Tshombe ko sala bisoni bazu wa matina kati avion ba décolé ba komi likolo ya Lubumbashi tour de contrôle ba boy ko autorisé bango bakita ba boy ko autorisé bango bakita na butu butu wana bazu bazongiti bazongi Lulwabu ba ekola na Lulwabu wana le 11 le 12 bazu avion balobi non. Les 11 sécessions katangaises, ba proclamer sécession, bango ba décaler voyage na bango na Katanga. Ba yeko kende les 12. Les 12 on a baboyi bango ko atterrir, ba zui, ba zongi na Lwabur, ba lali na Kananga. Les 13, ba longwa na po ba kende sikoyo Kisangani. Mais balobi to sala escale na Kindu. Ba komi na Kindu balali. Na Kindu wana décision ya liboso na Kindu ba sengi na Nations Unies. Etinda ba soda pour na ko benga na ba soda ba Belgique ya Belgique oyebe ba eko envahir biso décision ya mibale le 14 na Kindu ba eko zo décision ya ko rompre ba relation diplomatique na Belgique balobi Belgique ya attaqué biso eko tia bitumba mobulu na kati ya mboka na biso to kati ba relation diplomatique donc wana sikoyo ba longwa na le 14 po ba kende Kisangani pilote bazalaka ba Belgique tangwana nakati avion le bibo moko nzito kenda auto kende Kisangani batie nakati bango nakati avion Kasabubu na Lumumba batala boyku oleba maona Kisangani ba meme bango na Kinshasa bazongi se bango na Kinshasa awa Kasabubu le 15 juillet ba kiti nakati na aéroport Njili ba mindele siko batondi mingi na aéroport na bazokende ba uzonge pana bango basi bana ba papa etu ba simbi Lumumba na Kasabubu ko finga wana même ko bousculer bango Na mindele wana. Ko finga bango et tout donc jamais mokuba mikonja mboka ba ridiculiser bango ndengo na kati mboka na bango. Mona mboka Thomas Lwaka mitinerie wana ya le 5 juillet. Et même qui conséquence nini kati na kati na kati mboka. Conséquence nini mitinerie na ba désordre na nyonso eko pesa panique. Vent ya panique ndenge na expliquer ki OK ezala na armée ba mikonji nyonso armée ba officier bazaki ba mindele na administration pe ezalaki ndenge na ba directeur ya ba chef de bureau bazalaka bango nyonso ba mindele siko vent ya panique wana alors que Congo ba yoka na Belgique bokoti ki la biso pe ba fonctionnaire na bino malembe tokubanda ko remplacer tango ba mitinere wana ko bima mobulu na ko bima ba fonctionner des milliers de fonctionnaires ba longwe na administration et ba lui ba ngope ba zongi na mboka na bango donc mboka et communauté paralysée ba mi continue so imaginez yango na lobaka nzambe alingi Congo mingi imaginez mboka loko l'Afrique du Sud au lobby du jour au lendemain ba officier nyonso ya armée Afrique du Sud ba longwa ba fonctionnaire nyonso ya minene ba longwa ba zui bato ba kei mboka est-ce qu'Afrique du Sud doit résister à ta 10 jours mais Congo et loko na salama ba officier nyonso ba kei ba fonctionnaire nyon sobakei mais nzamba salika atile lo kongweza na bomoko donc voilà va en panique wana et salike ba mindele wana nyonso bazu bakei même au balezaki na volonté ya kutikala na Congo mais il faut toyer ba peke le 7 juillet 1960 Tunisie mboko ba bengi Tunisie ezalaki à l'époque na conseil de sécurité et ko parrainer Congo ke na sengi na assemblée générale ya na conseil de sécurité bondima mboka moko ya sika euti kobotama komo nango république du Congo voilà ezali na ba institution démocratie ezali kuna donc Tunisie mute parrainaka Congo po ekoma membre ya Nations Unies wana le 7 ba uti kondima biso kaka le 7 le 11 déjà Congo ye na ba demande demande à l'isungi ko senga na bakaske bleu baia boya ko bengena biso ba belge ba belge ba yeko sala mo bulu kuna pa na biso ba ke senga demande wana pe e pa ya ba américain ba bi botini na biso ba soda ba ko bengena biso ba ba belge o bazali ko sala mo bulu. Donc voilà un peu dans quel contexte mitinerie wana e salamaki sikoyo élément mi balé na lobaki ya le bosse bin sa désordre ko tomboka ba soda ya mi balé sécession ndenga na uti ko loba sécession salamaki na katanga. À partir le 11 juillet. Ces sessions, on met tout le monde dans ce qu'on tangi malam ou analyser. Ils allaient qui et le comment ils allaient qui préparer depuis Kala. Ponanin. Déjà, on a vu ça qui est que bas troupes, y a bas Belges, ils allaient qui na Kamina, Ekiti, na Lubumbashi. Y a mis balé, bas renfort et outa qui na Belgique. Et y est il, qui na Katanga, bas soldat après indépendance, bas soldat bas outi Belgique bas y na Katanga. Y a mis ça tout. Commandant Guy Weber, Weber ou Guy Weber. Azalai commanda ya unité wana ba Belge ba uta ka kamina pona Lubumbashi wana ba moni ya komi très proche collaborateur ya Moïse Tshombe ya élément ami satu ya mine pona kolakisa complicité wana ya Belgique premier ministre belge Gaston Eskens tangu Tshombe a proclamé sécession na ye premier ministre belge a tindi message na ba Belge nyonso bazana Katanga ba kimate batikala na Katanga. Et puis, union minière, où est le lot, et comment après, je camine, et PCP communiqué, et Sengi n'a pas tout n'a union sur Amisala, Oyo, Bajan a union sur Oba Kimaki, Bazalaki na Rhodésie, Rhodésie Zali, Rhodésie du Nord Zambie, Rhodésie du Sud Zimbabwe, Oba Zaki na Rhodésie, Bazonga, Bayako continue Moussala. Donc, Wana union sur Ezako Lakisake, c'était quelque chose de préparé, de monté. Mais, oui. Ok, ndeko na kanisi wana toko kende penda, si manatango tribele makambi ya mitinerie ya le 5 juillet, tribele le 11 juillet, secession ya Katanga, mais le 8 août, tribele ki zaraki indépendance ya Kasai, pe le 5 septembre zaraki, mokano oyo Kasavu wa zaraki, pona kotia libanda, ndeko Lumumba, na kanisi yo simba yango na mwalo mbango pamba tengo. Ok, ngongezo kima, siko yo Kasai, Kasai bitumumula ki Kasai uti wapi? Ba election moko to mona ki kala ile kaki na 58 baluba bazalaki mingi na Kananga population evanda ka ba autochtone na Kananga ba baluba na Kinshasa biso nso to benga ba baluba me kuna ba ngomo na Kasai basala ka ba difference entre baluba na balulua balulua ezali baluba ya Kananga baluba o to benga ka baluba ya Mbujimayi bona ko pesa exemple lelo o babengi lulua lulua ezanani lulua ezali professeur Mabi Mulumba Claude Lubaya nani sona ko tanga lulua wana ndeba lulua ngana yebi Clément Kanku Chibwa Bashila Pache wana ba lulua ba Medar Lwakabwanga ba luba ndeba Tshisekedi ba Roger Lumbala wana nde ba François Mwamba Tshishimbi ndeba luba ya Kasai sikoyo banani bande ko vanda na capitale ya Kasai ezalaki Kananga. Donc baluba bayaka mingi wana. Bon, pona kokene mbangu mobule bimi balulua balobi il faut to bengana baluba nyonso. Mobule bimi e kompena ya kobomana. Ba bengani baluba. Baluba bazui bazongi na epana bango bakwanga bakongana ko ko changer kombo nde ko koma Mbujimayi lelo. Baina bakwangana sikoyo ba leader luba Kalonji, Ngalula, Monseigneur Kongolo, ou akoma ki le deuxième évêque ya Congo, bako senga sikoyo, bape sa bango province na bango. Batika ko dépendre na Kananga, bango pe basa la province na bango. Donc bakabola bango. Bakabola province. Mais sikoyo baza na problème pe ya ba benga on ba déplacer. Ba tupenze bele ba na bako ngono monika ba déplacer nenga baza ba déplacer de guerre. Et comme il copé sa problème ya encadrement, bako encadrer ba to andenge nini bakolia nini et pe si moi mo boulot. Directeur ya Miba à l'époque ezaki Mibate bandako bengango jusqu'au Forminière directeur ya Miba Mundele monsieur Cravate ayeko ebisa bakalonji alobinga nazana bambongo ya bataxe na futa kana Leopoldville mais bino soki bokomi l'état ngana opesa bino mbongo na soki na pesi bino sel se bino na population na bino bandeko na bino omoni mo incitation ya kalonji bibo mbongo ezali wana sala nini kalonji moka sala témoignage na conférence nationale abino saki na chouette. Pour nous en Bongoana, il fallait na déclarer état ngapi na komi état. Yango eko créer état autonome du Sud Kasai le 8 août. Donc bango pe basali mboka na bango. D'ailleurs après et comme état indépendant après yemoko kalonji akoya ko changer idée alobino a état ezelo komoke akoya ko créer ce ko ekoya ko empire empire luba yemoko ko comme empereur donc makambo bokasa yaki ko sala na bané soki 80 bokasa donc et a zo copier ba kalonji kalonji comme a déjà empereur na 1960 ti baninga na ye batiki e ba ngalula bazu bazongi na Kinshasa. Donc bref, voilà comment sécession bani na katanga, sécession bani na Kasai. Donc mboke kaboni na biteni Kinshasa eteni ya Kasai eteni ya katanga. Donc voilà comment mobulu ekoti na kati ya mboka. Et puis lisusu a par rapport à mobulu wana, le 5 septembre batu baye kolanda na radio président de la République Balandi voya Kasavubu. Kasavubu alobi nini? Kasavubu alobi que Lumumba jette le pays dans une guerre civile. Pona nini? Parce que Lumumba ya lobi, nga na kotika ba chombe wana na ba kalonji ba sala mobulu wana te, nga ifo na récupérer mboka Kongo ezonga na bomoko. Donc Lumumba est pour la guerre. Abi foko tinda ba soda ba beta chombe, ba beta kalonji. Kasavubu alobi non, toko ipe ko solo la na, abima kamba ko solo lezate. Donc au moins incompréhension e koti wana. Et puis Lumumba comme qui n'a pas adversaire rebelle to ko zongela peut-être mon collègue rebelle yena Nations Unies baza ko yoka na te ba sona ki kutuna secrétaire général ya Nations Unies ba benge Dagar Majol o to ko ko mona simandenge ni ya kokufa na Congo. Donc Nations Unies azo ka na te na ba américain baza ko na te parce que ba américain baza convaincu que Lumumba za communiste akoyana ba russe ba koyawa mboko yoyo comme ba communiste ba américain ba décider d'ailleurs il faut ko bomaye. Donc pression na nyonso ba belge pe balingi lisusu Lumumba te église catholique elingi Lumumba te pona nini parce que Lumumba ministre de l'éducation nationale a pété idée to monaki l'ovanium ezalaki université ba catholique Pierre Mulele ministre de l'éducation nationale a dit Lumumba que il faut to nationaliser ngoe comme université à l'état ba catholique ba sepela kana idée wana te bango pe bakomi ko bundisa Lumumba. Donc voilà banguna bakomi mingi pression komi conseiller moko ya Lumumba to mona ki e na émission te koleka ye muto a préparé ka tra moko ya plan ya 30 ans pour la Congo son indépendance ba bengi professeur Van Bilsen. Van Bilsen après indépendance ayaki koma conseiller ya Kasavubu. Ya Kasavubu pe ayeko ebisa Kasavubu ke non ngai ministre premier ministre inabiso Belgique benga ingaya a lobby il faut vraiment olongola Lumumba. Kasavubu akomi ko hésiter wana bon sans toko tana ba détail. Le 5 septembre, Kasavubu a eu décision à 20h à révoquer Lumumba. Lumumba a comme mboka na guerre civile. Likambo au kamwa na butu wana kaka. Na même radio, Lumumba pe aleki. Le 5 septembre na butu, Lumumba lobi nini? Alobi je proclame que Kasavubu qui a trahi la nation, qui a trahi le peuple pour avoir collaboré avec les Belges et les Flamands n'est plus chef de l'État. Donc il y a pas lobi na longoli pe Kasavubu. Donc, et sans écouter mon boulot, président de la République, à Longoli. Premier ministre, à Longoli. Président de la République. Donc, Nakanisi, pour aller là, tu as eu une étape où tu as eu la suite, Makambu, et tu as eu évolué, pour Ngonga Nabiso, et comme Nasuka. Ngonga, et comme Nasuka, honorable Thomas Loaka, Kasi Bandeko, ou Bazuli Baku, ya Kulanda Biso, na Nzela, Baku, comme Tuna, Makambu ya Boye. Savoir ya boye aux yeux angwe pai wapi olobaki yango ne bandele kasi kozala mwa malamu uko kasuko zongela ngo pla bandeko basusu ba usibisu na ntela mayele o nyonso otoki yangwe pai na lobi na zui yango ezale ko kotanga ba livre ya mboka et puis kosolola na bakitero bazala katangwana kotanga ba biografie ya batu mais livre o pendeza liko servir ngai comme base ya émission oyo ezali histoire générale du Congo et komami na professeur Isidore Ndaiwel o pe na pesimbote sokaza kolanda biso Lilo ba suka Congo na biso oyo ezali Congo ya bilaka tuzaina kati ya pasi tuuti na kati ya pasi me okomona ke quel que soit difficulté ango quel que soit mobulu yango Congo eza ko surmonter kaka ba difficulté na pe na kotika na bomoko nango o siko toza kozela ndenge nini tokokota na terre promise parce que pona ngai ti lelo yo tozali ko traverser désert oyo bana Israël ba traversa ki na tango ba utaki na Egypte un jour tokokoma na terre promise nazane likia wana ya solo bande ko batali ya Canal Kin Television Canal Congo Television balinga masolo ya polele pona lelo tosuki awa Nakanisi mobianga mwabiso, honorable Thomas Loaka, Lo Senjola, alobi penza, makambo ya tina, oyo bozela kipe bosenga ki yango, pina zele kulikia ete epa ebino bozali bosepeli pe na ndenge balobaka na honnêteté intellectuelle abombi te ayibisi bino epai wapi azali kotoka boyebi oyo azali kosanza ete ezala biso ezala bino tokoka mpenza koyeba ndenge makambo malekaka kati na mboka na biso Congo démocratique. Bongo soko moni te na mwa esika moko mwa mbilinga mbilinga ezali tope mwa liloba lioko liloba mekasi na ndenge oyo esengeli te ezibeli na biso ezali wana polele okoki koya kopesa oyo ayo likanisi nyonso wana ekozala mpenza na ntina ya kosunga génération ya lelo jeunesse ya lelo bakoka mpenza koyeba na bolamu mpenza makambo mayemasalemaka mibu mileka kati na Congo démocratique mboka na biso honorable Thomas Luaka ndenge balobaka main sur le cœur totondi obotondi. Merci mingine kola pambola. Na kotondo pe botondi bino ba ibanso bozaki libaku ya kulanda biso omokoloma lelo na kobosa na te kotonda ndeko Mike Kamwaka ilongo na Claude Kibuka bangonde basungaki biso te masoro mabiso boko kabongo kolanda yango na motindo boti kolanda na kombo ya bango banso pe na elongo na mwana mboka Thomas Luaka Losenjola tokotombela bino penza bolandi bolamu ya masolo ezala na Canal Kin Television pe na Canal Congo Television otika na mala kimya boboto pe bondeko onabita.